Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Lyonkis hors série consacré aux demi-finales de l'Euro 2016. Avec nous aujourd'hui, on a Oshi. Salut, salut. On a Max. Salut. On a Potaval. Karim Akik. Et on a Potaval qui est en charmante compagnie puisqu'il est accompagné de Val. Bonjour. Alors, les deux dans la même pièce, je ne sais pas ce que ça va donner, je crains le pire. Donc voilà, donc on va aborder les demi-finales de l'Euro avec le premier match qui a opposé le Portugal au Pays de Galles avec une victoire 2-0, finalement assez simple du Portugal, les grands amis de Potaval. Donc je vous laisse la parole, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah ah, moi je vais commencer parce que j'ai vu les deux matchs, ça va être plus pratique. Et ben, ils ont été pas dégueux, en fait, les Portugais, pour une fois. Ils ont peut-être fait leur meilleur match de l'Euro. Alors j'avais dit pareil au dernier podcast que contre la Croatie, ils avaient peut-être fait leur meilleur match de l'Euro. Ben là, ils ont fait encore leur meilleur match. Ils montent en puissance. Ils ont eu vraiment de la chance au tirage, de la chance en tout pour arriver jusque-là. Puis finalement, il s'avère que ben, c'est pas si dégueulasse que ça. Ils ont un talent, alors qui est volontaire ou pas volontaire, j'arrive pas à le savoir parce que j'ai l'impression quand même que le sélectionneur, il galère un peu. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont le talent pour faire déjouer les adversaires. Vraiment, ils font déjouer à mort. Ils ont fait déjouer la Croatie. Et là, ils ont fait vraiment déjouer le Pays de Galles qu'on n'a pas vu. Alors, un Pays de Galles qui était vraiment, vraiment très diminué par l'absence de Ramsey. On l'a vu. C'était vraiment la plaque tournante au niveau des offensives et la distribution. Là, ça n'arrêtait pas de passer par les côtés. Ça n'a pas été efficace. Mais au final, ils ont surtout mis un coup de cul après le 2-0 les Gallois. Mais au final, ils ont quasiment jamais été dangereux, quoi. Du coup, les Portugais, ça a vraiment été hop, tout droit, quoi. Et au final, bah, c'est mérité, quoi. Après, moi, sur la deuxième mi-temps, c'est mérité. Sur la première mi-temps, les deux équipes ont été. Oui, bien sûr. Mais bon, du coup, tu restes sur le match en entier. Le Portugal, finalement, ben, ils méritaient peut-être pas leur place d'être arrivés ici parce que c'est vrai qu'en tant que troisième, ils n'avaient pas gagné un match en poule. Tu te dis, c'est quand même dégueulasse de voir en finale. Ben, ils ont su tirer le meilleur de ce qu'ils avaient comme groupe et comme tactique et vraiment dégueulasse parce qu'il n'y a aucun joueur qui joue à son poste à part Renato Sanchez. D'ailleurs, depuis que Renato Sanchez est titulaire, ben, ça joue mieux. C'est plus agréable. Et au final, ben, peut-être pas démérité le fait qu'il soit en finale, quoi. Et depuis que Carvalho est pas là, c'est plus solide aussi derrière. Ouais. Et en plus, il n'y avait pas Pep non plus. Non. Sur ce match-là. Donc, après le Pays de Galles, clairement, ils ont été. Enfin, je pense que Ramsey a énormément manqué, quoi. Mais c'est quand même dur de se dire qu'il manque un seul joueur et que t'arrives plus à jouer, quoi. C'est vrai. Mais voilà, tu vois qu'il était important dans le collectif du Pays de Galles, quoi. On parle beaucoup de Bale et Bale a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais Ramsey manque énormément, quoi. Derrière, les autres joueurs sont d'un bon niveau, mais c'est vrai que c'est quand même au-dessus du niveau moyen du Pays de Galles. Et du coup, forcément, quand il en manque un des deux, ça se ressent. Et puis après, peut-être que l'enchaînement des matchs commençait aussi à être compliqué pour eux. Je pense pas qu'ils s'attendaient à arriver jusqu'en demi-finale au départ. Et sinon, j'allais dire, il sera revenu, Pep, pour la finale. C'est pas sûr, encore. Alors qu'il est. Oui, donc il sera là, quoi. Alors, Potaval, ton avis sur ce Portugal, quand même? Rien à dire. Vous n'avez pas la face. ma survie après le match n'a tenu au fait que j'avais juste un rasoir électrique et pas un rasoir à lame. Donc, qu'est-ce que ça va être s'ils battent la France? Tu ne vas pas t'en remettre. Heureusement, je vais avoir un soutien psychologique sur place, parce que sinon, à mon avis. Non, mais on est en train d'organiser ça. On va t'envoyer toute la team Youngtis pour te soutenir dimanche soir. Par rapport à ce que disait Oshi, je pense que c'est volontaire quand même ce talent de faire déjouer l'adversaire. On voit qu'ils ont quand même changé de style de jeu par rapport au tout début de l'Euro. Où ils cherchaient à avoir un jeu, c'était peut-être pas offensif, mais ils cherchaient à avoir la possession, qu'ils ont vite délaissé une fois arrivés devant la Croatie, où ils ont commencé à essayer de laisser le ballon à l'adversaire, et du coup, ils s'en sortent pas trop mal comme ça, donc ils ont quand même changé un peu, et pour le mieux, ils ont changé des joueurs aussi. Renato Sanchez, Rui Fonte en défense, et du coup, ils se démerdent pas mal, bien plus que certains ne l'ont dit dans le podcast. Nous non plus, non, mais justement, ce que j'allais dire par rapport à Guigui qui nous avait envoyé un message privé à ce qu'a fait un précédent podcast. Donc, grosso modo, les changements qu'il réclamait à l'époque ont été plus ou moins appliqués avec l'entrée de Fonte, l'entrée de Renato Sanchez, l'entrée de l'arrière droit, je crois. Et du coup, c'est vrai que malgré tout, sur les phases, sur la phase finale, le Portugal, ça va quand même mieux, quoi. Ça va mieux, c'est un peu mieux, mais c'est pas flamboyant non plus, quoi. C'est pas. Ouais, parce que c'est volontaire de leur part, je pense. Ils préfèrent être solides derrière et après miser sur le talent qu'il y a devant avec Renato et Ronaldo. Je pense que c'est un choix de leur part. Ouais, ils se sont peut-être rendus... Et vu que ça a marché contre la Croatie, ils se sont dit on va continuer maintenant. Ils se sont peut-être rendus compte qu'ils n'avaient pas le profil d'équipe pour être aussi ambitieux dans le jeu qu'ils ont voulu l'être au début. Puis maintenant, ils s'adaptent et ça marche beaucoup mieux pour eux comme ça. Hein. Bah, les joueurs, pour être ambitieux, ils les ont normalement sur le papier. Ils pourraient proposer un jeu un peu plus séduisant que ce qu'ils font quand même, mais... Je sais pas. Pour moi, ça reste des tocards, hein, mais bon... Pour moi, il leur manque vraiment un attaquant, de toute façon, donc... C'est clair. Pour moi, c'est vraiment leur manque énorme. C'est un attaquant, quoi, clairement. Généralement, les équipes qui n'ont pas d'attaquant, ça nous réussit pour l'instant. Oui. Donc c'est bon signe pour nous. Bah ça va être, on en reparlera après, mais pour la finale du coup, parce qu'on en parlera après, je pense que ça sera compliqué de toute façon. Ce sera un match très compliqué, mais possible. Voilà, on verra, on en parlera tout à l'heure. Voilà, de toute façon, ouais. Les éclater. Ouais, de toute façon, Pataval, il a annoncé le 7-1. Il s'est jamais trompé, donc cherchez pas, c'est prévu. Sinon, pour revenir sur le Pays de Galles, sur leur Euro plus généralement, c'est, je pense que c'est une grosse satisfaction pour eux. Ils ont vraiment fait un bon Euro. Bah oui, Je pense qu'à mon avis, avant l'Euro, tu leur dis qu'ils vont en demi-finale, ils signent direct. Hein. C'est ça, ils ont réussi vraiment à faire déjouer la Belgique, et c'était vraiment leur gros match au final de l'Euro, ils l'ont fait, ils sont arrivés en demi, c'est extraordinaire pour une équipe pareille. C'est très bien, ils ont quand même montré des choses. Alors je sais pas si c'est une génération qui pourra sur le long terme continuer à être plus ou moins performante dans les grandes compétitions internationales comme ça, mais en tout cas on les a vus, on a vu tout un pays vraiment derrière une équipe qui mettait du cœur, qui mettait tout ce qu'elle avait, et qui montrait qu'elles étaient quand même présents et ils pouvaient être légitimement compétitifs parmi les autres grandes nations du Royaume-Uni, quoi. Et je pense qu'à mon avis, il y en a un qui va avoir pas mal d'offres, c'est Robson Kanou, parce qu'il est sans contrat, et il est de tout contrat, et je pense qu'à mon avis, là, cet été, il va avoir des propositions. Ouais, quoi. Il n'a pas été dégueu. Il est en fin de contrat à Reading ? Ouais. Oui, c'est ça. Après, on a beaucoup exagéré son fin de contrat, cet homme sans club, etc. Je pense que c'était volontaire de sa part aussi, d'être sans club et d'attendre de l'Euro pour faire le point sur les offres, en fait. Oh, ben là, c'était pas un... Oui, c'est largement au niveau première ligue, hein, je pense que. Ah, c'était pas un joueur à la rue sans club, comme on l'a laissé entendre dans les médias ou je ne sais quoi. Sinon, pour la petite anecdote, après, j'ai vu un article, je ne sais pas si c'est confirmé, mais au prochain classement FIFA, le Pays de Galles va passer devant l'Angleterre. Ça serait légitime, hein, de toute façon, l'Angleterre est vraiment décevante depuis des années. Et même si bon, les calculs du classement FIFA sont un peu bizarres pour moi au final, et ça ne reflète pas forcément la force d'une sélection, c'est logique. Et est-ce que la Belgique sera toujours deuxième ? Ah, je pense pas. Bah, ça m'étonnerait quand même. On verra. Non, mais vu que le Portugal était huitième au précédent classement, je pense que c'est le Portugal qui va remonter en flèche. C'est possible. Et après aussi, tu disais que pour le Pays de Galles, d'être sur les autres compétitions, enfin sur d'autres compétitions, ça va être compliqué. Avec leur groupe de qualification, ils doivent être à la prochaine Coupe du Monde. Ils sont avec qui ? Géorgie, Autriche, Moldavie, Serbie, Irlande. Ah oui, il y a moyen. Il y a moyen qu'ils fassent. Il y a l'Autriche et l'Irlande, il faudra qu'ils fassent gaffe, mais effectivement, il y a de quoi faire. Ouais. Ah ouais, tu sais que l'Autriche, avec ce qu'ils ont montré sur l'Euro, il va falloir qu'ils se bougent pas mal pour se qualifier pour la Coupe du Monde, quoi. Oui. Mais surtout, je trouve pas que le Pays de Galles a particulièrement été en sur-régime pendant cet Euro, quoi. C'était juste leur niveau, en fait. Hein. Et du coup, leur niveau moyen est plutôt bon, et il n'y a pas de raison pour que ça redescende. Tant que cette génération-là est là, en fait, je pense pas qu'il y a de raison pour qu'on les retrouve au 50 ou 60e en FIFA. Quatrième des phases de qualification ou quoi que ce soit. Quoi. J'ai pas eu l'impression qu'ils étaient au-dessus de leur niveau. Donc, voilà. Non, oui. Oui, vous allez dire autre chose ? Non. Non, non. Sinon, encore un truc à dire ou pas sur le Portugal. J'ai un peu tout à... Voilà, un fan de Cristiano. C'est tout. Cristiano qui, quand même, pour le coup, juste un petit mot, a marqué encore le premier but et il fait ses stats malgré tout. Hein. Bah, ouais. Il a eu un début d'Euro difficile, mais ça va beaucoup mieux. Après, il faudrait qu'il en mette 4 en finale pour être meilleur buteur, donc je pense que c'est mort. Mais Non, il faut qu'il en mette 4 et que Griezmann ne marque pas aussi. Hein. Ouais. Donc, alors qu'on sait déjà que Griezmann va mettre son triplé, du coup, c'est compliqué pour Cristiano. Donc voilà, donc le Portugal, pour le coup, en finale, voilà. C'est quand même, Platini va être content, un troisième de poule qui se retrouve en finale. Ouais. Le nouveau système est parfaitement mis en valeur grâce à eux. Hein. Ils auraient dû être éliminés d'entrée. C'est ça. Donc on va passer à la deuxième demi-finale entre le choc entre la France et l'Allemagne, victoire 2-0 sur un doublé d'Antoine Griezmann. L'Allemagne a eu la possession, mais voilà, donc je vous donnerai mon avis après, mais qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bah, l'Allemagne a eu la possession, mais sans être finalement si dangereux que ça. Ils n'ont pas eu d'énormes... Enfin, ils ont eu une ou deux énormes occasions, mais ils n'ont pas non plus été, si dangereux que ça finalement pour nous. Quoi. Ils ont eu la possession stérile. Hein. Ouais, et par contre, en contre, nous, on a été dangereux et voilà, donc ça a été. En contre, on en a chié beaucoup quand même. Oui, on en a chié, mais on en a. Deux fois. Hein. Mais ouais, après, enfin, clairement, je pense que là, Griezmann, on voit clairement que c'est peut-être l'homme, enfin, on voit clairement que c'est l'homme fort de cette équipe, quoi. Il a été, mais monstrueux, quoi. C'est le joueur de l'Euro, t'as fait. Ah bah oui, clairement. Déjà, c'est le meilleur buteur, sûr. Sauf si Cristiano Ronaldo nous fait un match de fou. Oui, et voilà. Sauf cataclysme, il sera le meilleur buteur, ouais. Une petite triplé de Giroud. Bah même avec un triplé, il serait le co-meilleur buteur. Hein. Vous pensez qu'il n'y a plus d'inquiétude, Griezmann? Non, ça va. Je pense que là, tu vois, on n'est plus trop inquiet, ça va. Ouais, la dernière action, il s'est un peu fier quand même. Oui, gros. Faire mieux quand même. Moi, je pense qu'il est quand même lucide. Et puis moi, je retiens aussi le match de Koscielny qui a été magistral. Magistral totalement. Il a tout sorti comme il fallait, tout propre, un placement parfait. Umtiti a été vraiment pas dégueulasse. Bon, pour une deuxième sélection, c'est quand même très bien. Mais Koscielny à côté a été vraiment pour moi d'une sûreté absolue. Montrez-moi à quel point c'est un défenseur qui a un niveau vraiment international. Et voilà, je trouve que s'il y a un 2-0 aussi, c'est que la défense a réussi à être solide aussi. Ça a beaucoup beaucoup joué à droite sur Kimmich, parce que je pense qu'il voulait volontairement jouer sur soi-disant le côté faible d'Evra, mais au final en fait ils ont quasiment joué que sur Kimmich et très peu sur Hector. Je me demande même presque pas si c'était pas la volonté de la France du coup d'avoir qu'un côté vraiment à forcer et à défendre, et au final ça a bien marché. Müller, qui est vraiment pas un vrai avant-centre, on l'a vraiment vu, ça a pas marché. Il est bon entre les lignes, il est vraiment bon en faux neuf, il est bon à dézoner derrière, mais en pointe ça ne marche pas, tout simplement. Et au final, il y a Ozil et Kroos qui ont été vraiment bons, les autres ça a été vraiment en dessous, il y a eu vraiment, voilà, il y a eu de la bonne transmission de balle, il y a vraiment eu de la possession, mais au final les attaques ont été présentes mais stériles, parce qu'il y a quasiment à aucun moment elles ont été vraiment dangereuses. Il y a eu 2-3 bonnes offensives que Lloris a réussi à sortir avec brio. Derrière, on a quand même très peu vu, même s'ils avaient de la possession, quoi. Et là, on voit que cette équipe de France, bah ouais, elle sait pas avoir le ballon. C'est moins dans la culture du jeu à la française, avoir un jeu technique et rapide. Mais par contre, c'est vraiment précieux sur les contre-attaques. On a beaucoup moins vu Payet, bizarrement, qui est d'être un peu commencé à accuser le coup, je pense. Mais Sissoko a été vraiment ultra précieux. Pogba, qui pour une fois a été beaucoup plus discret, mais vraiment très solide, je trouve, dans les transmissions et à la relance. Ça a été un beau match, vraiment solide, parce que pour moi, pour le coup, en fait, ils ont vraiment montré et rassuré sur le fait qu'ils pouvaient vraiment tenir tête à une énorme équipe que l'Allemagne, qui pour moi était tout simplement l'équipe la plus la favorite du championnat d'Europe, parce que c'était les plus solides et pour moi les meilleurs sur le papier. Et du coup, voilà, ils ont vraiment la voie libre pour aller gagner ce tour. Bah après, ouais, c'est comme tu dis, Sissoko sur ce match-là, moi je l'ai trouvé, mais ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois qu'il est sélectionné. Tout le monde dit que c'est inadmissible qu'il soit dans les 23, mais à chaque fois qu'il joue... Personne n'a jamais dit ça, calmons-nous. Si, il y a plein. Après, non, mais tu rigoles ou quoi? Allez voir la liste. Moi, je le reconnais, je le reconnais. Personne n'a jamais dit ça. Moi, je fais mon mea culpa, je l'ai déjà dit. Mais voilà. T'es pas le seul. Et à chaque fois qu'il joue, à chaque fois qu'il joue quelque défense, il est excellent, quoi. Il montre une abnégation, un physique et une motivation hors du commun. Et c'est vrai qu'il est, il est très polyvalent. Il est extraordinaire dans aucun profil. Par contre, il est bon à peu près partout. Alors à la base, c'est censé être un mètre un 8. Du coup, il y a quand même peut-être un petit manque technique de jouer en ailier comme ça. Mais sur la récupération et pour projeter l'équipe vers l'avant, il est extrêmement bon parce qu'il a une puissance. Il a quelque chose qu'il apporte. Et du coup, ça a vraiment, je pense, il a énormément gêné les Allemands parce que mine de rien, on peut quand même pas dire le contraire. Les Allemands sont quand même supérieurs physiquement à l'équipe de France. Et ben, Moussa Sissoko a vraiment aidé à équilibrer tout ça parce qu'il a vraiment eu il a un abattage fou sur ce match-là. D'ailleurs, je lance un appel à Steve ou Steven. On veut à la fin du podcast la musique qui a été faite en hommage. Oui. À oui, elle est excellente. Voilà, on veut que le podcast se termine là-dessus, c'est important. non, moi j'allais dire pour donner mon avis. Je pense que la France allait marquer des buts. Si on était la meilleure attaque, on le savait. Que l'Allemagne allait dominer, on le savait. Mais je pense que la surprise, c'est vraiment la défense française. On ne pensait pas qu'elle résisterait autant. Oui. Et on a très bien défendu. Et comme le dit Max, les Allemands disent on a été meilleurs. Avoir la balle, c'est pas forcément être les meilleurs. Et ils n'ont pas été forcément meilleurs parce que les actions les plus dangereuses, ils ont une ou deux vraiment dangereuses, mais ils n'ont pas eu non plus où on se dit oh là là, on a une chance de fou furieux, quoi. Ouais, attends, en fait, moi j'ai quand même bien sué du cul pendant une demi-heure. Hein. Bah moi j'ai presque plus peur contre l'Irlande que contre l'Allemagne. Non, après effectivement qu'ils aient le ballon, tu peux pas forcément être assuré parce que tu sais qu'avec les Allemands, ça peut vite ça peut vite faire mal, mais finalement, la défense a été très bonne. Les quatre défenseurs ont été bons. Evra qui depuis le début de la compétition se fait taper dessus. Franchement, sur ce match-là, il a été excellent. Mais Evra, il a raté que son premier match. Hein, sinon, Evra pour moi fait une excellente compétition. Une excellente compétition. Et ça parce que j'aime beaucoup Pat. Alors je pose ma question tout de suite. Oui. L'équipe qui met 4 ou 5 sur 10, je crois aujourd'hui, à Evra, c'est un acharnement, non? Oui. Il mérite plus que 4 ou 5 hier, quoi. Oui. Je pense le 7 de Matuidi, c'est tout. Ouais, voilà. Non, mais c'est... Ils ont mis 7 à Matuidi? Non, je sais pas. Matuidi, pour toi, a été un peu transparent. Il a quand même fait son boulot parce qu'il a été pareil, il a fait un travail de l'ombre, il a fait un travail assez ingrat avec Pogba au milieu pour être présent présent en défense et assez rapide sur les contre-attaques. Du coup, finalement, en contre-attaque, c'est des joueurs qu'on voit moins. Forcément, c'est quand même des joueurs qui sont meilleurs quand ils tiennent la balle. Mais pour moi, ils ont été solides quand même. Mais si, dans un bout, du coup, moins vu briller forcément. Et t'as Olivier Giroud, faut qu'il court un peu plus vite. C'est pas possible de se faire rattraper par Ovedes qui ne court pas sur son 1 contre 1 là. C'est là qu'il faut vraiment qu'il arrête de tirer la traîne une charrette pareil quoi. Il peut pas travailler un peu d'aérobic, un truc comme ça, parce que vraiment qu'est-ce qu'il rame. Je crois qu'il avait deux charrettes. Il avait la sienne plus celle de Gignac et je pense que tu vois au bout d'un moment c'est dur. C'est dommage parce qu'en plus Ovedes est vraiment pas rapide. Alors après moi rien à voir, mais du coup j'ai un truc à dire par rapport à l'Allemagne. Je pense que c'est vraiment très bien qu'on les ait joués aussi tard, parce qu'effectivement sans Khedira, sans Hummels et sans Gomez, je pense que ça a aidé beaucoup, c'est sûr. Et sans Boateng après. Boateng s'est blessé. Alors qu'on peut dire pareil, hein, la France aurait joué avec Varane et compagnie, avec les joueurs qui ne sont pas là. Peut-être qu'ils auraient été aussi plus présents sur d'autres matchs. Mais pardon. Compagnie est belge. Je dis, oh, elle est belle. Bref, sauf que mine de rien, l'Allemagne a du coup aussi pour le coup pas mal souffert, même malgré quand même des défenseurs de qualité et de joueurs de qualité en général pour remplacer les blessés, a quand même souffert de pas avoir des joueurs comme Reus, des joueurs comme Gomez, des joueurs comme Khedira et Hummels sur ce match-là, et de pas avoir des vrais latéraux aussi. Et un vrai attaquant de pointe, clairement. Oui, s'ils avaient eu Gomez, rien que Gomez aurait pu nous faire beaucoup plus mal, je pense. Mais il y a 2-3 centres qui auraient pu être bien mieux, terminés. Hummels, il leur a vachement manqué sur les petites passes dans la relance. Là où Boateng a été énorme. Ouais, là où Boateng a été énorme sur les relances longues vers les latéraux, il a fait des transversales à fond. Et je pense d'ailleurs, c'est à force de multiplier les transversales longues comme ça qu'il se, je sais pas s'il se claque ou il se déchire. Mais ça a pas dû aider, hein. Pourtant il fait des trucs énormes. Hein. Bah il y a une complémentarité Boateng Hummels qui me rappelle un peu Laurent Blanc de Saïd de l'époque, où il y avait vraiment un bon relanceur et un mec qui tient debout et un autre qui est beaucoup plus physique, qui va plus rentrer dans l'art. Quand tu perds le relanceur, t'as un déséquilibre forcément qui est obligatoire. Et Ovedes, c'est pas Hummels quoi. Par contre sur le deuxième but Neuer, je disais que Neuer faisait toujours une connerie dans un match, ouais, sur le deuxième but une connerie, le centre après, est quand même... le centre est quand même très bien fait, il est obligé d'y aller, il y a Giroud derrière, c'est ça, donc il est obligé de la mettre un peu loin, et puis en plus c'est même pas tant que pour moi, tout le monde a vraiment montré du doigt cette erreur de Neuer. C'est pas une erreur, c'est qu'il dégage son ballon comme il peut à la main. T'as Griezmann qui est extrêmement bien placé en renard derrière, et t'as Schweinsteiger qui fait un très mauvais marquage dessus, et voilà, ça fait but. Un très mauvais match en général. Il a été sur tout le match. Alors après sur sa main, elle est quand même, sans être généreuse, il y a main, c'est clair, mais bon, elle est quand même. Non, même sans ça, il était. Quand tu vois ce que fait Khedira les matchs d'avant, à côté, Schweini était horrible. Est-ce que les Allemands, pour vous, n'ont pas été assommés par ce premier but, justement, par ce pénalty, juste avant la mi-temps? S'ils prennent pas ce pénalty, est-ce qu'ils ne reviennent pas moins dans le doute en deuxième mi-temps? Est-ce qu'ils n'ont pas peut-être plus les... Bon, c'est des si, hein, c'est facile. Mais comme je disais à la personne qui regardait le match avec moi, mon père, qu'est-ce que tu veux qu'ils leur disent à la mi-temps? Leur première mi-temps, elle est très bonne, quoi. Oui. Et pourtant, ils rentrent à 1-0, c'est ça qui est terrible, quoi. C'est qu'autant Deschamps, il rentre, il mène au score, et pourtant il a des choses à améliorer, autant eux se prendre ce but-là, il est terrible. Parce qu'ils n'ont rien à améliorer, ils font une très bonne première mi-temps. Juste soyez plus concrets devant, quoi. Mais ça fait 7 matchs qu'on leur dit, quoi. Donc c'est pas évident. Et voilà, je trouve qu'en séance ça, que ce but, il est assez terrible. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, malheureusement, quoi. C'est sûr. Sinon, pour vous répondre, ils ont mis 6 à Matuidi et 5 à Evra, l'équipe. D'accord, ils sont méchants. Ouais, et 6 à Pogba aussi. Et ils se sont fait plaisir sur Payet, ils lui ont mis 3. Bon, après, Payet n'a pas été. Payet n'a pas pesé, mais c'est pas grave. Tout le monde peut pas briller devant. Tu peux pas faire briller. Et là, c'est pas devant qu'on lui reproche, c'est derrière. Hein, et Vra, il s'est fait bouffer dans son couloir. Bien sûr, bien sûr. Mais je me rappelle de Deschamps, déjà au match avant de la France contre l'Islande, où Deschamps a mis deux grandes gueulantes à Payet qui ne redescendaient pas assez. C'est pas un joueur qui défend, Payet. Il ne défend pas, il sait pas faire. Il lui manque peut-être un club où il va aller plus défendre. Griezmann le fait parce que c'est d'une sa philosophie de jeu et c'est ce qu'il a travaillé depuis 2 ans à Atletico. 2 ans ou 1 an? 2 ans qu'il y a. Ou un an, ouais, c'est bref, la deuxième année. Ouais. Deuxième année, voilà, ça fait 2 ans qu'ils travaillent ça avec Simeone, qui font travailler vraiment toute la défense. Et d'ailleurs, moi j'ai beaucoup fait ce parallèle. La France m'a vraiment rappelé l'Atlético. J'ai du mal à parler. La France m'a beaucoup rappelé l'Atlético sur ce match-là, c'est-à-dire à être super super rigoureux derrière, à se projeter ultra vite vers l'avant dès qu'il y a la balle pour justement faire déjouer la défense adverse. Puis ça a très bien marché. Ah mais c'est ça, moi ce que j'ai dit hier direct, le match c'était Bayern-Atlético. C'était exactement pareil. Griezmann a fait les efforts défensifs, ouais, plus ou moins en première mi-temps avec Giroud. Franchement, il regardait Boateng distribuer comme il voulait. C'était pas non plus très intense, quoi. En deuxième mi-temps, ils sont revenus un peu plus énervés déjà avec Giroud. Ils ont aidé Payet comme il fallait. Sissoko, lui, dans son côté, il a dit qu'on n'a pas vu Hector. Ben, normal, il l'a bouffé, quoi, Sissoko. Il l'a bouffé. Draxler, pareil, à la fin, on pouvait plus, quoi. Sania, il était le tacle qu'il fait, c'est la frustration. Moi, je trouve qu'il a manqué de la roublardise à l'Allemagne, la roublardise que va pouvoir avoir le Portugal. Ils ont été un peu trop droits, je pense, un petit peu trop respecté l'équipe de France. Et ça les a vraiment perdus sur ce match-là. Attention au Portugal qui, eux, pour le coup, n'auront absolument aucun scrupule à être roublard. Et ça va être un match compliqué. Alors, je pense quand même que tout est fait pour que la France aille jusqu'au bout, qui amène des fois un petit avantage arbitrage, pas méchant, pas honteux, mais J'ai senti là, oui, sur la demi-finale, le petit avantage, mais jusqu'à maintenant, non. C'est sur ce match, oui, mais après, sur les autres matchs, j'ai pas trouvé qu'on était particulièrement avantagé. Non, mais il y a un petit truc en plus. T'as trouvé qu'on était avantagé sur ce match? Après, disons qu'il y a quelques décisions qui nous. Ben, comme le pénalty, il y a pénalty, mais il y a certains matchs où ça ne se siffle pas, par exemple. Oui. On va pas reprocher à l'arbitre d'avoir bien fait son travail. Mais après, on a toujours un angle de vue qui est positionné. On va pas dire le contraire. Moi, pour moi, il y a pas de scandale. Ils ont pas été vraiment concrètement avantagés. Mais tu sens qu'en tout cas, c'est sûr que ils sont pas du tout mis en arrière. Par contre, il y a aucun moment où tu sens que ça pourrait siffler, que ça siffle pas. Ils ont mis un arbitre italien. Ils étaient vénères qu'ils avaient battu. Non, parce qu'en plus c'est parfait de mettre un Italien sur un France-Allemagne. Les Italiens n'aiment ni l'Allemagne ni la France, donc c'est parfait. Par contre, c'est pas bon pour nous. Au final, c'est un Anglais. Oh, les Anglais, je pense, ils aiment pas trop les Portugais non plus. Ah, les Anglais, personne les aime. Ils sont fait taper 2 fois au péno par les Portugais, les Anglais, je crois, dans les années 2000. Ah, c'est une bonne nouvelle alors. On a gagné du coup, c'est bon. Oui, c'est ça. Regardez, ça me remet ce que j'allais dire tout à l'heure. Sur Payet, justement, c'est en ça que la France est plutôt bonne et complémentaire. C'est qu'en début d'Euro, Griezmann était un petit peu moins bien, Payet assurait. Là, Payet est un peu moins bien, Griezmann assure. C'est vraiment, au moins, c'est complémentaire. Et ça permet de... On se retrouve pas un jour avec une attaque totalement en berne, quoi. Ben bien sûr. Non, mais en plus, surtout, quand je vois la qualité, le cœur de cette équipe, où tu vois que N'Golo Kanté, qui a été un des meilleurs joueurs de la première phase de l'Euro, se retrouve sur le banc à cause d'un système, et aussi parce que Matuidi finalement fait le taf, et Pogba aussi, tu dis c'est quand même génial d'avoir une qualité pareille au final. Tu dis même les mecs sont super bons, tu peux même plus les faire jouer parce que t'as trop de mecs qui donnent tout ce qu'ils ont. C'est quand même, pour moi, c'est une super bonne nouvelle, et ça montre de la bonne ambiance qu'il y a dans le groupe et de la détermination de tout le groupe pour essayer d'aller jusqu'au bout. C'est une image qui m'a marqué hier à la fin du match. C'est Adil Rami, heureux comme un gamin. Oui, alors, pour le coup, celui qui peut vraiment avoir les boules, c'est lui. Oui. D'ailleurs, j'étais très étonné qu'il ne prenne pas sa place. Et au final, c'était un très très bon choix. Ouais, pour moi, tu parlais de Kossiani, mais pour moi, Umtiti, c'est vraiment, il a fait un match impressionnant pour un mec dont c'était seulement la deuxième sélection. Ouais, mais bon, après, c'est un joueur que moi j'aime beaucoup, la boîte lyonnais. Je trouve vraiment ultra mature pour son âge, je le trouve ultra professionnel. Mine de rien, il montre qu'il va pouvoir avoir, si vraiment il traite très bien sa carrière et qu'il a pas de grosses blessures, ça pourrait être un pilier monumental de la défense, un des meilleurs défenseurs mondiaux, tout simplement. Il m'a filé une demi-molle au film. Mais après, c'est vrai que quand on voit cet effectif-là et même on voit ceux qui sont pas là, on se dit que franchement, pour les années à venir, c'est quand même assez prometteur, quoi. Enfin, notamment en défense centrale, Umtiti, t'as Varane, t'as ceux qui sont pas là, t'as Zuma. Et t'as la porte, t'as la porte. La porte aussi, enfin, c'est en défense centrale, c'est dingue. Même Mangala, il a le même âge. Ouais, c'est ça. Donc tu dis que pour les prochaines années, on est bien, quoi. Il n'y a qu'au poste de latéraux, on ne va pas trop la relève arriver. Bon, oh, et encore, et encore. Éternel les bras. Tu te dis que Dean Kurzawa, ça peut aller à c'est quand même pas dégueu. À droite, ouais, ça traîne un peu derrière. Ouais. À droite, mais bon, il y a Sidibé qui est pas loin. Non, Sidibé, oui, il peut toujours. Oui, il est parti en Côte d'Ivoire. Il était dans les réservistes. Donc, Sidibé, en plus, qui est en train de passer un palier pour signer le cinéma. Non, non, à droite. Il peut jouer à deux, il peut jouer à droite et à gauche. D'ailleurs, il a signé à Monaco, là. Donc là, il va jouer à droite, c'est sûr. Il était un peu en balance avec Arsenal, du coup, qui s'était un peu réveillé au dernier moment, mais ouais, c'est signé à Monaco. Oh, il sera très bien Monaco, c'est bien. Ouais, pour Monaco lui. Il sera bien. Hein. Il continue doucement sa progression après 3 et après Lille, c'est très bien. Je pense pas qu'il restera 10 ans à Monaco. Non. En plus, bon, il va avoir une place assurée parce que je pense que Fabinho va partir. Donc, s'il signe là-bas, c'est que Fabinho va partir. Exactement. Donc, voilà, il aura sa place aussi. Il va jouer en Coupe d'Europe. Donc, voilà, franchement, c'est un bon club pour lui. Voilà. Après, à gauche, le problème à gauche, c'est que Digne et Kurzawa n'ont pas forcément montré qu'ils avaient vraiment le niveau, quoi. Il a fait une bonne saison à la Roma, hein, Digne. Voilà, c'est ce que j'allais dire, on a dit qu'il a quand même fait une bonne saison, quoi. Et puis, il y en a un troisième, mais lui, le problème, c'est qu'il va falloir voir comment il va tourner, parce qu'il peut bien tourner, ou voir très mal tourner, c'est Mendy, quoi. S'il prend du plomb dans la tête, il peut être excellent, et clairement, il peut prétendre au poste, s'il n'en prend pas le chemin, quoi. Non. Bah, faut voir, Mendy, il faut qu'il soit vraiment bien accompagné, il lui faut un entraîneur qui le tienne et qui lui apprenne la discipline sur le terrain, en tout cas. Même si c'est pas en dehors, c'est pas grave, ça a jamais gêné. Du moment que t'as du plomb dans la tête quand t'es sur le terrain. On va voir. On verra Monaco comment ça va se passer, déjà, de toute façon. Je sais pas s'il va être titulaire ou pas. Il y a moyen, quand même, que ce soit titulaire cette année. On va voir. Mendy, c'est vraiment le pendant de Imbula, c'est la même chose. C'est des joueurs qui sont très talentueux, mais il faut vraiment les encadrer du matin au soir pour en faire quelque chose. Quoi. Oui, pour moi, c'était le cas de Pogba, et pour le coup, il est bien encadré, et ça en fait un joueur plus ou moins discipliné quand même sur un terrain qui montre toute sa qualité. Donc, après Pogba, quand tu vois les coachs qu'il a connus, ça aide aussi, quoi. Enfin, le mec, il a eu Ferguson, il a eu Allegri, enfin, il a eu Conte, enfin, pas non. Voilà, il a eu quand même des coachs, si tu veux, qui, niveau encadrement, sont là, quoi. Et puis, il va avoir Mourinho maintenant, donc c'est bon. C'est peut-être pas forcément le même potentiel non plus, quoi. Pour Pogba, on l'annonçait déjà très tôt comme vraiment un très, très grand, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. J'allais dire un autre mot, mais de toute façon, l'équipe de France, j'ai toujours entendu que cette génération était programmée, entre guillemets, pour arriver au sommet en Coupe du Monde 2018. Parce qu'ils auront tous pris 2 ans de plus, ils sont plus matures, on sera vraiment très fort. Alors, je ne veux pas nous mettre la pression, mais déjà, on est déjà en 2016, forcément en 2018, on sera parmi les grands favoris. Si Deschamps est toujours sélectionneur pour la Coupe du Monde, ce qui normalement va être le cas, oui. Oui, je pense qu'il restera. Oui, parce que, d'ailleurs, pour moi, Deschamps, actuellement, je pense qu'il n'y a pas photo et de très loin, c'est de loin le meilleur tacticien français. Vraiment. Il sait s'adapter à un. Rudy Garcia. Ta gueule, toi. Pour moi, Rudy a le potentiel pour avoir aussi de la qualité. Mais Didier Deschamps a montré, il montre les mêmes qualités qu'il avait en tant que capitaine et en tant que joueur, en fait. C'est vraiment une. Mais déjà, c'est un winner, c'est un mec qui a de la détermination. C'est un mec qui est venu au foot tard, je crois qu'il a signé ses premières licences quand il avait 14 ou 15 ans et pas avant. C'est un mec qui est là parce qu'il aime ça, en fait. Il sait ce qu'il veut, il sait comment le faire et c'est un excellent communicant. Faut pas croire, en plus. Il passe toujours pour un con des champs, mais pour moi, c'est un excellent communicant qui est très intelligent. Il sait très bien ce qu'il veut faire. Ah, exactement. Et puis, il est toujours détendu, il rigole, toujours machin et tout. Mais c'est vraiment un malin et c'est pas pour rien que partout où il passe, ça marche parce qu'il sait ce qu'il veut. C'est ce que je me dis depuis hier, je me dis, hormis la toute première, et encore c'était contre un autre grand génie, parce que c'était contre Mourinho en 2003, sinon Deschamps ne perd pas ses finales. Donc ça va être pour nous, c'est quelqu'un qui joue des finales pour les gagner. Donc c'est, de toute façon, comme pour paraphraser, je crois que c'est Chirac qui avait dit ça, je pense vraiment que Deschamps c'est le meilleur de tous, quoi. C'est le meilleur d'entre nous, comme on aurait dit. Moi, c'était mon joueur de France, toute cette génération France 98 et 2000, c'était mon joueur préféré. C'était pour moi celui vraiment qui incarnait les valeurs de ce groupe là, de cette équipe là, dans le sérieux et dans l'abnégation, et puis là il le montre toujours. Et surtout que, encore une fois, vas-y, excuse-moi. Non, moi c'était Carambeau pour la Coupe de Feu. Je rêvais d'avoir moi c'était plus Charbonnier, mais bon, j'ai constaté que je déconne. J'allais dire, non, pour dire un dernier mot, c'est un dernier mot. Il faut aussi rappeler qu'il a quand même eu des gros coups durs avant l'Euro, quoi. On perd la défense centrale, on perd Benzema, Valbuena qui est plus au niveau. Ah, c'est vraiment. Ouais, c'est vrai que quand tu vois tous les joueurs qu'il a perdu, Voilà, c'est ça, ouais. Benzema, Valbuena, Diarra. La casette. Varane, Sako. Quand d'autres gars qui décident d'aller se perdre pour l'argent. Mais non, mais c'est assez dingue quand tu dis tous les joueurs qu'il a perdu et il arrive quand même à emmener l'équipe en finale. C'est un truc de fou. Ça m'a fait penser à quelque chose avant l'Euro. On lui reprochait un peu de ne pas avoir installé une charnière pendant un moment, tu sais, de ne pas toujours mettre Varane et Sako titulaires. Au final, il a peut-être eu un peu raison, quoi. Ouais, même si Umtiti ne l'avait jamais appelé, donc c'est un peu. On lui a reproché aussi sa... Non, je trouve pas le mot. Le fait qu'il reste tout le temps dans le même schéma, qu'il soit assez... être figé tactiquement. Ouais, figé tactiquement et assez, comment dire, défensif, tu vois, avec son 4-3-3, pas prendre trop de risques au final. Allemagne, 4-2-3-1, enfin 4-4-2 en phase défensive. Il met Sissoko, enfin il n'a pas hésité à changer quand il fallait. Quoi. Exactement, ouais. C'est adapté. Mais il sait s'adapter, je pense qu'il a vu déjà contre l'Irlande en demi-temps, il joue en 4-4-2, ça marche. Contre l'Islande, il met 4-4-2, ça remarche. Là, il m'a remis 4-4-2, ça marche. Donc voilà, c'est. Et pour la finale, il fera pareil. Son... Bah oui, de toute façon, l'équipe qui a joué contre l'Allemagne, ce sera la même contre le Portugal. Hein, faut pas... Il n'y a rien à changer. Hein. Alors, moi, j'ai une théorie sur Deschamps. Vous allez me prendre pour un taré, mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il a besoin d'être dos au mur, entre guillemets, pour tirer le meilleur de son groupe. Là, l'équipe de 2014, elle naît le jour de France-Ukraine. Et là, il lui manquait cette petite étincelle pour vraiment... Et ce France-Irlande où il est mené à la mi-temps, où apparemment, dans le vestiaire, il se passe des choses, ça a suffi à être l'élément déclencheur, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas, après, j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, il s'est déjà plus ou moins toujours retrouvé dans des situations pareilles, quoi. Ouais, mais t'as l'impression qu'il, finalement, être dos au mur, ça, je vais pas dire que ça l'arrange, ça mais ça lui permet de tirer le meilleur de son groupe. Quoi. Ouais, ouais. Bah, comme beaucoup de gens, quand t'es outsider, même dans tous les sports, l'équipe de France de rugby, c'est pareil, c'est le plus grand exploit, elle a fait contre les Blacks en Coupe du Monde. Quand personne les attendait, c'est toujours pareil, c'est là que tu te soudes le plus. Hein. Bon, même si là, ils étaient attendus quand même. On les avait battus au mois de novembre, on espérait quand même quelque chose. Quoi. Ouais. Oui. Ça faisait quand même 58 ans qu'on ne les avait pas battus en compétition officielle quand même. Oui, mais bon, après, il faut toujours relativiser ces chiffres-là. Oui. On les avait affrontés 2 ou 3 fois. Ouais, pas 17 fois non plus, quoi. Déjà, et puis de toute façon, en match amical, il y a eu 2-0 la dernière fois, c'était l'année dernière, je crois. C'était le jour des attentats. Donc. Voilà, ouais, donc moi, je préfère quand même largement me baser sur les sélections avec les joueurs avec lesquels ils ont, tout simplement, plutôt que sur des statistiques qui datent d'il y a 30 ans, où tu sais vraiment pas, qui veulent plus rien dire au final, quoi. Non, mais je pense que sur ce match-là, les joueurs étaient motivés, ils avaient une revanche, enfin pas toutes, parce qu'ils n'étaient pas tous là, mais ils avaient une revanche à prendre par rapport à il y a 2 ans, où effectivement, bah, on avait perdu en quart et tout, donc je pense qu'ils avaient vraiment envie de prendre leur revanche contre les Allemands, et ils l'ont bien fait, voilà. Donc, Même sans ça, c'était pas motivé à jouer une demi-finale. Oui, c'est sûr. Contre l'Allemagne, soit à la maison, soit à Marseille, parce qu'apparemment, le public a été monstrueux, j'avais un pote qui était sur place. Il y a un moment, si t'as pas envie de jouer ces matchs-là, tu joues pas au foot, en fait. C'est clair. Et moi, j'étais chaud dès le matin du match, alors j'imagine même pas. Bien sûr. Et puis, tu vois les interviews d'après-match avec Evra et Pogba, tu vois à quel point ils sont contents d'avoir ce match-là, d'être où ils en sont. Tu dis, c'est normal, c'est tout est logique, tout se passe bien. Je veux dire, s'ils sont contents comme ça, ça veut dire qu'ils mettent tout ce qu'ils ont à donner. Toutes les petites vidéos que met la fédération là sur sa chaîne YouTube, avec des où tu peux suivre en journée, même sur 7 minutes, Griezmann ou Giroud ou Pogba, c'est ultra sympa, c'est ultra ouvert, c'est bien. Il y a une sorte de cohésion qui se fait aussi avec les gens, avec le public. Il y a une sorte vraiment de campagne pour que tout le public puisse aimer. C'est ça, que tout le public puisse aussi vivre ce truc là avec eux, qui fait qu'après sur un terrain ils se sentent peut-être trop, parce qu'ils le voient, hein, ce sont forcément avec les réseaux sociaux, avec tout ça, ils sont pas dans une bulle, ils voient très bien ce qui se passe, et je pense que ça les aide aussi. Ouais, après tu parlais justement du public du Vélodrome. Evra, à la fin du match, il a mis un petit tacle au Stade de France, justement, où il a dit que l'ambiance sur ce match-là avait été énorme, et si ça pouvait être tout le temps pareil au Stade de France, ça serait bien, quoi. Ouais, mais ça, on en parle depuis des années. On sait bien que le public parisien est un public compliqué, et c'est comme ça, et c'est pas grave, c'est culturel, et c'est pour moi, c'est quand même pas si important que ça. Ouais. Mais c'est vrai que même l'ambiance, devant ma télé, l'ambiance, c'est ça. Franchement, ça a fait vivre les matchs encore plus intensément, quoi. C'est hier sur les interviews à TF1. Il y a 2 trucs qui étaient intéressants. Déjà, c'est Deschamps. Je crois que c'est sur TF1 et pas sur Bein qui a dit ça. Je sais plus qui dit que vraiment depuis le 15 ou 16 mai qu'ils sont ensemble, il n'y a pas eu un incident dans le groupe, que vraiment le groupe vit vraiment bien et ça se sent. Je trouve qu'il n'y a pas de rivalité, ils sont tous heureux d'être là, ils veulent aller au bout. Et deuxième truc, c'est Evra qui a dit le match amical, c'était un match amical. Au moment où on s'est prouvé qu'on pouvait le faire en mois de novembre, oui. qu'on pouvait battre l'Allemagne. Et au moins, ils avaient un schéma. Ils savaient qu'ils allaient défendre, ils savaient qu'ils allaient souffrir, mais ils savaient comment jouer. Quoi. Ils avaient déjà préparé leur truc. Et voilà, et c'est pour ça, je pense que ça a marché. Quoi. Oui. je pense autre, chose à, autre chose à rajouter avant de parler du France-Portugal ? Ouais, moi, je pense que tout ça prouve vraiment à quel point Deschamps a eu raison de se passer de Benzema. Voilà. Pour moi, Benzema, qui est un joueur que je peux vraiment trouver très bon en club, en tout cas, je pense que c'est un footeur de merde, et tout simplement, et que je pense vraiment que le choix de Deschamps, c'était vraiment bien plus pour assurer et pérenniser une bonne dynamique de groupe que pour se dire on prend les meilleurs tout simplement à leur poste. Et au final, oui, je pense tout simplement que Benzema actuellement est le meilleur attaquant français, mais que non, dans ce groupe-là, pour gagner en tout cas pour gagner une compétition internationale en tirant le meilleur de chacun, il faut pas qu'il soit là. Ouais. Bah, c'est-à-dire, je pense que pour gagner une compétition, faut pas forcément avoir les 23 meilleurs, mais faut avoir une équipe en fait. Faut avoir les 23 qui font le meilleur groupe. Enfin, faut voir comme par exemple, je vais revenir comme un petit moment, mais en 98 quand ils gagnent la Coupe du Monde, avec il y a Guy Barge devant, il y a pas Cantona, enfin c'est. Après Guivarch était quand même l'actuel meilleur buteur du championnat de France. Oui. Et même s'il a marqué aucun but, il a vraiment pas été ridicule de la compétition. Oh, il y a Bernard Diomède alors. Il s'est quand même battu comme un beau diable. Il a c'est d'ailleurs. Le corner de son premier but. C'est ça. Non mais je pense qu'il a quand même ouvert des possibilités pour ses coéquipiers. Il a fait un travail ingrat d'attaquant un peu perdu tout seul. Et ça a été au final pour moi il fait largement partie de cette équipe de 98. Même s'il a été un petit peu oublié depuis parce que c'est pas une grande star, mais surtout qu'après il est parti au Glasgow Rangers, je sais pas quoi, il s'est enterré comme il faut. Ouais. Quoi. Maintenant il vend des piscines. Et après, avoir le meilleur buteur français, c'est pas forcément gage de victoire. Voilà, 2002, on a le meilleur buteur en Angleterre, meilleur buteur en Italie, meilleur buteur en France, on marque 0 but sur les 3 matchs. Mais en 2002, il y a Roger Lemaire, quoi. C'est... Il gagne l'Euro 2000, Roger Lemaire, quand même. Oui, il a rien fait. Hein. Enfin, comme en 2006, est-ce que c'est Raymond qui gagne ? Je suis pas sûr. Hein. Non, c'est la prise de position de Zidane dans les vestiaires. Voilà. C'est le retour des anciens aussi. C'est vrai que voilà, c'est en 2006, c'est clair que c'est Zidane, Thuram, Barthez qui prennent les choses en main, quoi. Sagnol. Mais bon. Oui. Ouais, et donc dernier mot là-dessus, un petit mot quand même l'Allemagne. Décevant quand même hier, on l'a déjà dit, il a vraiment manqué un attaquant. Oui. Et puis voilà, après ils réaliseront pas le doublé, quoi. Après, moi, celui qui est décevant pour moi avec l'Allemagne, c'est Thomas Müller, quoi. Il fait un euro quand même. Il fait pas un euro terrible. Mauvais pour faire des glaces, quoi. C'est compliqué. Il a pas vraiment jamais pu jouer vraiment à son vrai poste. C'est pas un joueur qu'on voit, c'est pas une vraie superstar, c'est pas un joueur qui sait dribbler, c'est un joueur qui est extrêmement bon dans le placement, mais à un moment quand on lui demande d'être en pointe, il faut qu'il reste en pointe, il sait moins bien faire et puis il est moins bon. L'Allemagne, moi en plus sur un sentiment général sur l'Euro, parce que ça a peu fait la même chose avec l'Espagne, bien pire, c'est que vraiment pour moi ça a sonné le glas du tiki-taka et de la possession stérile, qui est quand on avait déjà parlé la dernière fois, mais qui pour moi un style de jeu totalement dégueulasse et déplorable. Et là je crois vraiment que ça a sonné la fin de tout ça, parce que les équipes qui jouaient comme ça n'ont vraiment pas réussi du tout. Non, ça c'est vrai. Après, il faudra voir comment ça va se passer pour l'Allemagne derrière, parce que apparemment les journaux allemands disent que Joachim Löw va partir. Ah ouais, dommage. Bon, il a quand du boulot à faire. Il a quand même pas eu de chance non plus. Il a quand même énormément de blessés, notamment. Je crois que lui veut rester. C'est quand même, t'aurais eu Marco Reus à la place de Draxler tout le long de l'Euro, qui est beaucoup plus son poste d'être un grand percuteur sur l'aile gauche et très technique. T'aurais un Gomez un peu plus en jambes ou un attaquant de sa trempe. C'est pas la même non plus. C'est dommage parce que malgré tout, je pense que Joachim Löw est quand même capable de bien tenir une équipe. On va voir ce qu'il va faire après s'il lâche l'Allemagne. Mm. Mais c'est dommage parce que je sens même pas forcément une fin de cycle, parce que Boateng et Hummels sont pas vieux. Le noyau de l'équipe est quand même relativement jeune, même Kroos, même Ozil, c'est quand même pas des gens. Voilà, c'est quand même une excellente génération en route. Ce serait quand même dommage de lui couper l'herbe sous le pied en disant bon, tu dégages. En même temps, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans, 4 ans qu'il est là. 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 ans. Et ouais, tant qu'à, je veux dire, tant qu'à faire, si ça marche, je veux dire, là, il pouvait pas faire de plus. Je pense que l'Allemagne, sur ce match-là, hier soir, n'aurait pas pu faire plus. Non, c'est bien interdit de renouveler un peu le message ou autre, aussi bien, c'est peut-être l'électrochoc qu'il leur faut pour continuer sur cette lancée. Hein. Mais bon, ils vont mettre qui? Pour moi, il y aurait que, comment il s'appelle, Jürgen Klopp qui serait légitime, mais c'est pas pour lui, donc. Ah, puis surtout, enfin, il a prolongé à Liverpool, c'est pas pour se barrer. Non, mais l'eau, quand il est arrivé, t'es pas forcément légitime. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai aussi. C'est vrai. Et voilà, après, Marco Reus, lui, quand même, c'est, je pense, le mec le plus poissard de. Ah, bah oui, il se blesse à chaque d'Allemagne, fois. D'Allemagne, ouais. À chaque fois, il se blesse. Et, parce il, que, déjà, il préfère partir en vacances, hein. Je pense. Et il a définitivement arrêté. Je suis en train de penser pour un éventuel successeur. Jupp Heynckes. Celui qui avait tout gagné avec le Bayern il y a 2 ans. Jupp Heynckes, je crois qu'il est à la retraite. Hein. Ouais, mais il a fait quelques problèmes. Il m'a officiellement fait avec la justice. Pardon, je sais pas. Il a pas eu quelques problèmes avec la justice, avec le fisc juste allemand et tout machin. Donc, c'est Uli Hoeness du Bayern. Ah, c'est Uli Hoeness, putain. Ouais. Non, il a. Il a la même prison que Messi apparemment. Elle est bien leur prison. Moi, je pense que si je fais une connerie, j'irai pas à l'heure. C'est dommage. Ouais, c'est. Non, moi je m'inquiète pas pour eux, franchement. Ouais, il y a un peu de temps. Le match, on peut le refaire 10 fois, ça restera toujours du 50-50. Müller, il a 2-3 occasions où il est dans la surface, il est pas dans son match, il est pas dans la compète, il peut les mettre, il peut très bien les mettre aussi, quoi. Si je dois mettre un seul bémol, est-ce que par rapport à il y a 2 ans, peut-être que j'ai une grosse bêtise, hein, et il y a des nouveaux joueurs offensivement, je suis pas sûr. Peut-être que le Podolski, Draxler, ouais. Et encore, c'est parce qu'il n'y a pas Reus, mais sinon, non, c'est toujours les mêmes, quoi. Mais il en manque, hein. Il manque un pur attaquant en Allemagne, hein. Il avait Gomez, mais Gomez, il n'était pas là, et voilà. Donc après, derrière lui, c'est un peu le problème, hein. Ouais, surtout, je ne vois pas. Je ne vois pas continuer devant de plus avec Gomez, quoi. Donc, le problème va se poser, hein. Bah, lui, il a 35-36, Gomez, donc. Non, moins. Moi, hein, mais. Il a une trentaine, ouais. Moi, mais il est parti en Turquie, je crois, non? Il est parti en Beşiktaş, ouais. Après, il y en a des jeunes, hein. Il y a Timo Werner, mais qui a encore que 20 ans, qui vient de faire 3 saisons titulaires, elle a 20 ans, hein. Il vient de faire 3 saisons titulaires à Stuttgart, et qui vient de signer au RB Leipzig. Il y a. Et c'est un vrai attaquant de pointe? C'est un vrai attaquant de pointe, ouais, Timo Werner. Ouais, mais d'accord, on va essayer. Oui, tu vois, à 20 ans, il a déjà 94 matchs professionnels et 14 buts, dans la musette, c'est quand même pas mal. Bon, pour l'instant, il joue en équipe espoir. Moi, je pense qu'il y a quand même de la relève derrière, il y a un trou. Il y a une sorte de trou depuis Gomez. Si ça fait 3 ans qu'il joue, 14 buts, c'est faible. Ouais, après, il a 20 ans, quoi. Donc, il avait 18 oui. ans. Oui. Donc, après, ça, faut voir Dembélé, après. C'est déjà dépassé, quoi, les. Dembélé. Ah ouais, il est français. Il a la nationalité française, Dembélé. Ousmane Dembélé? Ouais. Ouais, il me semble bien, ouais. Enfin, il n'a pas joué pour un autre pays encore. Non. Non. Non, mais je pense que, d'ailleurs que le fait de partir, oui, il est né à Vernon, en France, donc, bah, pour l'instant, en tout cas, il est né sur le territoire. Juste son début, attends. Mais bon, après, Dembélé, faut attendre. Il a fait une bonne demi-saison à Rennes, attendons de voir vraiment ce qui va se passer. Et puis, après ça, en Allemagne, il y avait, Kiesling, mais déjà, il peut pas s'entendre avec, Joachim Löw. Oui, il a déjà 32 ans, et puis cette saison, il a pas été bon. Deux ans de plus que Gomez, c'est mort, ça. C'est un bœuf. Enfin bon. Voilà, on verra l'Allemagne. Pas de soucis pour eux. On va demander à notre douce à nous, Max. Ils sont dans quel groupe, l'Allemagne, pour la qualif, pour la Coupe du Monde? Attends, je vais te dire ça. Ils finiront en plus, dans tous les cas. Ouais, parce que je crois qu'en plus, j'ai regardé, je crois qu'ils ont un groupe plutôt simple, je crois. Donc, Avec Saint-Marin, Dabat, comme chaque année. Non, c'est. Ils sont avec Saint-Marin, tu vois. Voilà. L'Azerbaïdjan, la Norvège, la République tchèque et l'Irlande du Nord. Ok, il y a quelques bien belles branlées, quand même. Oui, oui. Autant dire qu'ils peuvent faire 100% de victoire. Oui, un moyen. Ah, bah, ils sont larges, la fin. Ils ont perdu des matchs cette année en qualif, mais bon, c'est pas. Ouais, mais là, je pense que ça va le faire sans trop de problèmes. Donc, on va passer à la finale. Oui. France-Portugal. Avant de vous demander vos pronostics en détail. Vous pensez que ça va donner quoi comme match? Ça va être très fermé. Très fermé. Ça va se renifler le cul pendant une mi-temps au moins, parce que la France, j'ai pas une équipe ni un groupe qui a la capacité de prendre le jeu à son compte. On l'a vu contre les équipes plus faibles, ça a été assez compliqué. Mais on n'aura pas le choix. Il y aura pas le choix, mais en même temps, faut faire gaffe, parce que le Portugal, tu fais la moindre connerie derrière, t'as la rapidité des deux Zigoto, là, de Nani et de Ronaldo, qui peut faire très très très très mal. Et pareil pour Renato Sanchez, qui sait se mettre entre les lignes et que je trouve monstrueux. Oui, ça va être, tant mieux, parce que c'est la finale, le match le plus compliqué pour la France de l'Euro. Mais un but tôt peut tout débloquer. Et moi, je pense que la France va gagner 3-1. Plus compliqué contre l'Allemagne, pourtant. Oui, Oui, parce que contre l'Allemagne, il y avait qu'une seule chose à faire, c'était être solide derrière et faire des contre-attaques très rapides tout en faisant des jouets derrière, ce qui s'est passé pour le premier but, ce qui s'est passé pour le deuxième but. Là, les Portugais, ils vont attendre aussi, ils vont jouer comme des roublards, comme ils ont joué depuis le début, ils vont guetter la moindre erreur défensive, d'ailleurs je pense qu'on va sûrement encore Umtiti, parce que c'est vraiment pas un match pour Rami du tout, parce que la moindre connerie, ça peut faire très très mal avec Ronaldo. Pour moi, en plus, le Portugal, vraiment, ils s'attendaient pas à être ici. Ils ont rien à perdre. Ils vont être en style libre total. Ils vont tout donner. Attention. Ouais, mais ils s'en foutent. Ils pensaient être là. Tu t'en fous pas, en finale. Ouais, mais c'était dégueulasse. Ils jouaient tellement mal. Ils étaient en demi. Ils avaient pas rien à perdre. Je pense à leur carrière d'aller en finale. Par contre, la pression est sur la France. T'es à la maison. T'es en finale. Tu vas taper l'Allemagne 2-0. T'as pas le droit de perdre. Et donc, ça va être compliqué. On a vu que la pression. Ouais, mais on a vu que la pression, quand même, pouvait être gérée difficilement par un joueur de l'équipe de France. On l'a vu sur les premiers matchs. Donc attention. Mais je pense que quand même, on a quand même l'équipe pour gagner. Après, effectivement, on aura la pression. Tu viens de battre l'équipe favorite. Les champions du monde en titre. Tu viens de taper les champions du monde en titre. Clairement, les Portugais vont nous attendre et au tournant et ils vont profiter de la moindre erreur. Donc il va falloir être sérieux comme on a fait contre les Allemands et profiter, après très clairement niveau qualité c'est moins bon. Alors du coup, en plus si Pépé est pas là, ça va être lent derrière vraiment, et Griezmann va pouvoir faire un massacre si il se fait pas déboîter, parce que attention, le Bruno Alves là avec sa tête de Mohican et José Fonte, c'est pas des tendres, et ils vont vraiment mettre des boîtes. De toute façon, ils mettent des boîtes, les Portugais, c'est pas compliqué. Ils mettent des boîtes et ils se jettent par terre comme des pucelles. Ça va être dans la tension et dans l'énervement, ça va être un match très compliqué. Et pour nous aussi. Allez, je pense que Ronaldo, il va être déjà sur le début de la compétition, il était insupportable. Alors là. Oui. Sur la finale, au moindre contact, vous pouvez être sûr, il va être par terre, quoi. C'est obligé. Surtout quand il va perdre la balle face à Sagna, quoi. Il va avoir les boules. Hein. Depuis le début de la compétition, à chaque fois qu'il tombe, il réclame un penalty, un coup franc, enfin bref. Ça va être fou, quoi. Je pense que là, ça va être pour les nerfs, ça va être compliqué, quoi. Et n'oubliez pas un des enjeux principaux, quand même. Oui. C'est pour se qualifier pour une Coupe des Confédérations. Ah oui. C'est vrai, hein, génial. Ah, putain, oui. J'avais complètement oublié, hein, c'est génial. Là, la pression, ouais. La vraie pression, messieurs, elle est là. C'est pas faux. Alors moi, j'ai un peu le même avis que aussi, dans le sens où je pense que ça va vraiment... Il n'y a pas d'histoire d'avoir battu le champion du monde ou quoi que ce soit. C'est juste comment on va gérer la pression de gagner un euro chez nous, en fait. Si on arrive à gérer cette pression et qu'elle nous transcende, on gagnera le match sans trop de problèmes, je pense. Après, si on a peur, ça peut devenir très compliqué, quoi. Parce que si on prend l'exemple du match de l'Allemagne, on est arrivé en confiance, ça s'est bien passé. Contre la Roumanie, c'est exactement l'inverse, quoi. On est arrivé un peu tétanisé et on s'en sort miraculeusement. Donc vraiment, oui, mais je pense vraiment, enfin, la Roumanie, c'est pas le Portugal non plus. Et du coup, je pense vraiment que... Pas loin. Arrête, Didier, il en a marre de nous entendre. Je pense que les Portugais tout à l'heure, mais faut pas, c'est comme une fois qu'on a joué l'Islande. À écouter tout le monde, c'était les rois du monde, là, s'il est sorti d'Angleterre. Faut pas faire des surréactions dans les deux sens non plus, quoi. C'est clair. Ça a critiqué Portugal dans tous les sens depuis 3 semaines, et maintenant qu'on les joue, c'est à faire attention et tout. Ouais, faut être prudent, ça reste une finale, mais après, si on a large la place de passer. On est favori et faut assumer, c'est tout. Ouais, d'ailleurs, en exclusivité, on vous annonce que si le Portugal gagne, Guigui animera et présentera le podcast tout seul, le dernier podcast de l'Euro. Je le ferai tout seul avec Potaval, peut-être. Je viendrai, j'assumerai aussi. Oh, c'est beau. Non, mais ouais, voilà, je pense vraiment que ça dépend de nous, en fait. Comment on va gérer le truc, et on peut se rendre le match facile, mais il faut, comme dit aussi, si on marque rapidement, ça peut être facile. Après, moi, franchement, moi, clairement, je fais confiance, j'ai tellement confiance en Deschamps que je pense qu'il peut amener les joueurs vraiment dans l'état d'esprit qu'il faut, et voilà, quoi. C'est vrai qu'il était bien, il était déjà focus sur la finale, il s'enflammait pas. Hein. C'est ça, ouais, non, mais puis même les joueurs il les a laissés faire la fête, entre guillemets, il les a laissés savourer, mais lui, dans ses interviews, il était déjà la tête sur la finale. Hein. Ouais, même les joueurs quand même ils étaient aussi pas mal focus sur la finale, donc vraiment voilà, je pense qu'ils ont vraiment envie de le faire je pense qu'il y a un joueur qui sera aussi motivé les autres, c'est Evra, quand tu l'entends dans les interviews, le mec il est motivé à fond, Quand tu sais que, dès la fin du truc, il disait que moi, est-ce que s'il gagnait pas le titre avec la France, c'était pour lui, c'était vraiment un échec. Enfin, tu sentais que le mec était vraiment à fond dans le truc, et je pense qu'il sera lui aussi motivé. Parce qu'on sait clairement que c'est le relais de Ebra et le relais de Deschamps, et donc je pense que lui aussi sera motivé le joueur sans problème. En dehors de tous ses défauts, c'est vraiment un mec qui aime le maillot bleu et ça se voit. Il va marquer en finale. Ça serait magnifique. Ça serait beau. Avant de passer au pronostic en détail, juste une dernière question. Est-ce que ça peut déranger, parce qu'il y a quand même une perte d'influx, on le veuille ou non, hier, de rejouer dès dimanche, jeudi, dimanche, comme ça, enchaîné. Est-ce que vous pensez que ça peut être problématique ou pas? Non, parce que je pense que là, justement, ils n'ont pas vraiment... Enfin, ils se sont reconcentrés tout de suite après, donc ils n'ont pas vraiment le temps de se perdre dans tout ce qu'il y a à côté, de fêter la demi et tout. Je pense que voilà, ils sont déjà focus sur la finale, et justement le fait qu'il y ait 3 jours, ça va, ils vont déjà être dedans tout de suite, et donc moi je pense que ça peut jouer un peu au niveau de la récup, mais après c'est quand même des joueurs qui ont l'habitude de jouer assez régulièrement durant l'année, donc ça va pas tant les déranger que ça, surtout que les matchs d'avant ils avaient quand même le temps de pas mal souffler, voire de même tourner à la fin de certains matchs, donc... Oui, et puis moi j'ai tendance à me dire que l'adrénaline de jouer un match comme ça fait que la fatigue, tu la sens pas forcément encore. Mmh. Moi, je pense que pour la plupart, c'est le plus grand rendez-vous de leur carrière. Si c'est pas le moment où ils vont débrancher les muscles et tout faire au mental, c'est que c'est des fiottes. Des gaises. Bon, le moment des pronostics est arrivé. Mmh. Le moment où on se ridiculise une nouvelle fois. Oshie, à toi la parole. 3-1 pour la France. Match facile donc, plutôt? Non. Mais 3-1 quand même. Un 3-1 compliqué. Je pense qu'il y aura un partout à la mi-temps, voire un partout jusque tard, et que la France va débloquer le match à la fin. Je rappelle que je vais voir le match. S'il y a ça, mon cœur ne tiendra jamais. C'est peut-être la dernière fois. 0-0, toi ? Non, j'ai quand même connu un 5-2, je te rappelle. J'ai été voir France-Islande. Hein. J'ai eu mon quota de but pour l'année, d'ailleurs. Ensuite, alors, dans l'ordre alphabétique, Max, ça doit être à toi. 3-0 pour la France. Ah, donc toi, tu vois un match facile, toi. Bah, je pense qu'on va marquer en première mi-temps, et qu'en deuxième, les Portugais vont découvrir et qu'on va en mettre de derrière. Et un troisième en prolongation. Pas de mal à toi. Ça va être le moment de charger, de leur rentrer allègrement dans la gueule. 1-0, but d'Evra. C'est tout. Comme ça lui autorise d'aller faire l'hélicoptère avec le trophée dans les bureaux de l'équipe. Et devant Pierre Ménès aussi, tant qu'à faire. Et il est où le 7-1 là? Moi qui croyais que tu allais annoncer un 7-1, je suis dégoûté. Val, à toi. 1-0 Portugal. Oh, le traître. Je déconne. Ah là, t'étais plein de direct. 2-0, ouais. Il y a 4 buts sur la fin en contre, voilà, pour tuer le... Toujours pour le Portugal, c'est ça? Non, pour la France, quoi. Moi, j'avais un peu le même avis, 2-0 pour la France. Avec, ouais, pareil, un but fin de première période, voilà. Et puis à la fin, le Portugal pousse, et sur un contre magnifique de Moussa Sissoko... Ça fait 2-0. Moi, je dis un but de Griezmann, un but de Pogba, ils vont terminer la soirée dans les locaux de l'équipe, comme les handballeurs à l'époque. Ouais, et eux, ils auront le droit de péter la table. Ouais, c'est clair. Direct, ils auront le droit. Donc voilà. Donc, on juste à noter quand même que quand tu regardes les équipes éliminées par les deux finalistes, il n'y a pas beaucoup de foudre de guerre. Hein. Bah non, on a éliminé l'Allemagne, quoi. L'Allemagne, quoi. La Croatie. Ouais, l'Allemagne-Croatie, quoi, c'est tout. Bon, après, hier, je me suis dit, pour me remonter le moral, on a marqué plus de buts que le Portugal, on a encaissé moins de buts que le Portugal. Donc, en défense comme en attaque, on est mieux. Donc, on est optimiste. Donc, voilà, si vous avez un dernier mot à rajouter, c'est maintenant. Non. On se contentera d'aller les Bleus, alors. Et on se retrouvera sûrement après la finale, quand on aura tous décuvé de nos cuites pour fêter la victoire, on espère, pour un podcast sur la finale et sur un bilan de l'Euro. Donc voilà, donc encore une fois, je le répète chaque fois, si certains veulent nous rejoindre, n'hésitez pas. Si le Portugal gagne, on attend Guigui, même si on sera un peu dégoûté. Et même si le Portugal prend 7-0, d'ailleurs, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Et donc pareil les autres. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de 7 euros. Salut tout le monde. Bisous. Bisous. Bisous Ferdi. Ça t'y va, la France elle a gagné. Voilà, c'est tout. M'entraîne au bout de l'euro. Qui ça, qui ça? C'est Moussa Sissoko. Moussa, Moussa. Plus technique que Ronaldinho. Qui ça, qui ça? C'est Moussa Sissoko. Moussa, Moussa. Sissoko. Et oui, Sissoko, fantastique. C'est son premier but. Bon, bref, c'est bon, je commence. Yes. Alors, 3, 2, 1, go. Bonjour à tous. Et... qui c'est qui a tapé là? C'est vrai, il a voulu faire le clapping du cinéma, cet abruti. Moi, j'en peux plus. Allez, c'est parti.